Son Excellence Eugène Rougon, chapitre 8. Des semaines se passèrent. Rougon avait repris sa vie de lassitude et d'ennui. Jamais il ne faisait allusion à l'ordre que l'empereur lui avait donné de rester à Paris. Il parlait seulement de son échec, des prétendus obstacles qui s'opposaient à son défrichement d'un coin des Landes. Et sur ce sujet, il ne tarissait pas. Quels pouvaient être ces obstacles? Lui n'en voyait aucun. Il allait jusqu'à s'emporter contre l'empereur, dont il était impossible, disait-il, de tirer une explication quelconque. Peut-être Sa Majesté avait-elle craint d'être obligée de subventionner l'affaire? Cependant, à mesure que les jours coulaient, Clorinde multipliait ses visites rue Marbeuf. Chaque après-midi, elle semblait attendre de Rougon quelques nouvelles. Elle le regardait d'un air de surprise en le voyant rester muet. Depuis son séjour à Compiègne, elle vivait dans l'espoir d'un brusque triomphe. Elle avait imaginé tout un drame, une colère furieuse de l'empereur, une chute retentissante de Monsieur de Marcy, une rentrée immédiate du grand homme au pouvoir. Ce plan de femme lui semblait d'un succès certain. Aussi, au bout d'un mois, son étonnement fut-il immense lorsqu'elle vit le comte rester au ministère. Et elle conçut un dédain pour l'empereur qui ne savait pas se venger. Elle, à sa place, aurait eu la passion de sa rancune. À quoi songeait-il donc dans l'éternel silence qu'il gardait? Clorinde, toutefois, ne désespérait pas encore. Elle flairait la victoire, quelques coups de grâce imprévus. Monsieur de Marcy était ébranlé. Rougon avait pour elle des attentions de mari qui craint d'être trompé. Depuis ses accès d'étrange jalousie à Compiègne, il la surveillait d'une façon plus paternelle, la noyait de morale, voulait la voir tous les jours. La jeune femme souriait, certaine maintenant qu'il ne quitterait pas Paris. Pourtant, vers le milieu de décembre, après des semaines d'une paix endormie, il recommença à parler de sa grande affaire. Il avait vu des banquiers, il rêvait de se passer de l'appui de l'empereur. Et de nouveau, on le trouva perdu au milieu de cartes, de plans, d'ouvrages spéciaux. Gilles Quint, disait-il, avait déjà racolé plus de 500 ouvriers qui consentaient à s'en aller là-bas. C'était la première poignée d'hommes d'un peuple. Alors, Clorinde, s'enrageant à sa besogne, mit en branle toute la bande des amis. Ce fut un travail énorme. Chacun prit un rôle. L'entente eut lieu à demi-mot, chez Rougon lui-même, dans les coins, le dimanche et le jeudi. On se partageait les missions difficiles. On se lançait tous les jours au milieu de Paris, avec la volonté entêtée de conquérir une influence. On ne dédaignait rien. Les plus petits succès comptaient. On profitait de tout, on tirait ce qu'on pouvait des moindres événements. On utilisait la journée entière, depuis le bonjour du matin jusqu'à la dernière poignée de main du soir. Les amis des amis devinrent complices, et encore les amis de ceux-là. Paris entier fut pris dans cette intrigue. Au fond des quartiers perdus, il y avait des gens qui soupiraient après le triomphe de Rougon, sans savoir au juste pourquoi. La bande, 10 à 12 personnes, tenait la ville. « Nous sommes le gouvernement de demain », disait sérieusement Dupoisat. Il établissait des parallèles entre eux et les hommes qui avaient fait le Second Empire. Il ajoutait « Je serai le Marcy de Rougon ». Un prétendant n'était qu'un nom. Il fallait une bande pour faire un gouvernement. 20 gaillards qui ont de gros appétits sont plus forts qu'un principe. Et quand ils peuvent mettre avec eux le prétexte d'un principe, ils deviennent invincibles. Lui battait le pavé, allait dans les journaux où il fumait des cigares, en mimant sourdement M. de Marcy. Il savait toujours des histoires délicates sur son compte. Il l'accusait d'ingratitude et d'égoïsme. Puis, lorsqu'il avait amené le nom de Rougon, il laissait échapper des demi-mots, élargissant des horizons extraordinaires de vagues promesses. Celui-là, s'il pouvait seulement ouvrir les mains un jour, ferait tomber sur tout le monde une pluie de récompenses, de cadeaux, de subventions. Il entretenait ainsi la presse de renseignements, de citations, d'anecdotes, qui occupaient continuellement le public de la personnalité du grand homme. Deux petites feuilles publièrent le récit d'une visite à l'hôtel de la rue Marbeuf. D'autres parlèrent du fameux ouvrage sur la Constitution anglaise et la Constitution de 52. La popularité semblait venir, après un silence hostile de 2 années. Un sourd murmure d'éloges montait. Et Dupoisat se livrait à d'autres besognes, des maquignonnages inavouables, l'achat de certains appuis, un jeu de bourse passionné sur l'entrée plus ou moins sûre de Rougon au ministère. « Ne songeons qu'à lui !» répétait-il souvent, avec cette liberté de parole qui gênait les hommes gourmés de la bande. « Plus tard, il songera à nous !» Monsieur Belin d'Orchères avait l'intrigue lourde. Il évoqua contre M. de Marcy une affaire scandaleuse qu'on se hâta d'étouffer. Il se montrait plus adroit en laissant dire qu'il pourrait bien être garde des Sceaux un jour, et son beau-frère remontait au pouvoir, ce qui mettait à sa dévotion les magistrats, ses collègues. M. Kahn menait également une troupe à l'attaque. Des financiers, des députés, des fonctionnaires, grossissant les rangs de tous les mécontents rencontrés en chemin. Il s'était fait un lieutenant docile de M. Béjoin. Il employait même M. de Combelot et M. Larouquette, sans que ceux-ci se doutassent le moins du monde des travaux auxquels il les poussait. Lui agissait dans le monde officiel, très haut, étendant sa propagande jusqu'aux Tuileries, travaillant souterrainement pendant plusieurs jours pour qu'un mot de bouche en bouche fût enfin répété à l'empereur. Mais ce furent surtout les femmes qui s'employèrent avec passion. Il y eut là des dessous terribles, une complication d'aventure dont on ignora toujours au juste la portée. Madame Coreur n'appelait plus la jolie Madame Bouchard que « ma petite chatte ». Elle l'emmenait à la campagne, disait-elle, et pendant une semaine, M. Bouchard vivait en garçon. M. d'Escorail lui-même était réduit à passer ses soirées dans les petits théâtres. Un jour, Dupoisat avait rencontré ces dames avec des messieurs décorés, ce dont il s'était bien gardé de parler. Madame Coreur habitait maintenant 2 appartements, l'un rue Blanche, l'autre rue Mazarine. Ce dernier était très coquet. Madame Bouchard y venait l'après-midi, prenait la clé chez la concierge. On racontait aussi la conquête d'un grand fonctionnaire, faite par la jeune femme un matin de pluie, comme elle traversait le pont royal en retroussant ses jupons. Puis, le fretin des amis s'agitait, s'utilisait le plus possible. Le colonel Joblin se rendait dans un café des boulevards pour voir d'anciens amis, des officiers. Il les catéchisait entre 2 parties de piquet. Et quand il en avait embauché 12, il se frottait les mains le soir en répétant que toute l'armée était pour la bonne cause. M. Bouchard se livrait au ministère à un racolage semblable. Peu à peu, il avait soufflé aux employés une haine féroce contre M. de Marcy. Il gagnait jusqu'aux garçons de bureau. Il faisait soupirer tout ce monde dans l'attente d'un âge d'or dont il parlait à l'oreille de ses intimes. M. d'Escorail agissait sur la jeunesse riche, auprès de laquelle il vantait les idées larges de Rougon, sa tolérance pour certaines fautes, son amour de l'audace et de la force. Enfin, les Charbonnels eux-mêmes, sur les bancs de Luxembourg, où ils allaient attendre chaque après-midi l'issue de leur interminable procès, trouvaient moyen d'enrégimenter les petits rentiers du quartier de l'Odéon. Quant à Clorinde, elle ne se contentait pas d'avoir la haute main sur toute la bande. Elle menait des opérations très compliquées, dont elle n'ouvrait la bouche à personne. Jamais on ne l'avait rencontrée, le matin, dans des peignoirs aussi mal agrafés, traînant plus passionnément au fond des quartiers louches son portefeuille de ministre, crevé aux coutures, sanglé de bouts de corde. Elle donnait à son mari des commissions extraordinaires que celui-ci faisait avec une douceur de mouton, sans comprendre. Elle envoyait Luigi Pozzo porter des lettres. Elle demandait à M. de Plouguerne de l'accompagner, puis le laissait pendant une heure sur un trottoir à attendre. Un instant, la pensée lui eut venir de faire agir le gouvernement italien en faveur de Rougon. Sa correspondance avec sa mère, toujours fixée à Turin, prit une activité folle. Elle rêvait de bouleverser l'Europe et alla jusqu'à deux fois par jour chez le chevalier Rusconi pour y rencontrer des diplomates. Souvent, maintenant, dans cette campagne si étrangement conduite, elle semblait se souvenir de sa beauté. Alors, certains après-midi, elle sortait débarbouillée, peignée, superbe. Et quand ses amis, surpris eux-mêmes, lui disaient qu'elle était belle, « Il le faut bien !» répondait-elle avec un singulier air de lassitude résignée. Elle se gardait comme un argument irrésistible. Pour elle, se donner ne tirait pas à conséquence. Elle y mettait si peu de plaisir que cela devenait une affaire pareille aux autres, un peu plus ennuyeuse peut-être. Lorsqu'elle était revenue de Compiègne, Dupoisat, qui connaissait l'aventure de la chasse à cour, avait voulu savoir dans quels termes elle restait avec M. de Marcy. Vaguement, il songeait à trahir Rougon pour le comte, si Clorinde arrivait à être la maîtresse toute puissante de ce dernier. Mais elle s'était presque fâchée, en niant énergiquement toute l'histoire. Il la jugeait donc bien sotte pour la soupçonner d'une liaison semblable. Et, oubliant son démenti, elle avait laissé entendre qu'elle ne reverrait même pas M. de Marcy. Autrefois encore, elle aurait pu rêver de l'épouser. Jamais un homme d'esprit, selon elle, ne travaillait sérieusement à la fortune d'une maîtresse. D'ailleurs, elle mûrissait un autre plan. « Voyez-vous, disait-elle parfois, il y a souvent plusieurs façons d'arriver où l'on veut, mais de toutes ces façons, il n'y en a jamais qu'une qui fasse plaisir. Moi, j'ai des choses à contenter. » Elle couvait toujours Rougon des yeux. Elle le voulait grand, comme si elle eût rêvé de l'engraisser de puissance pour quelque régal futur. Elle gardait sa soumission avec une humilité pleine de cajolerie. Lui, au milieu de l'agitation continue de la bande, semblait ne rien voir. Dans son salon, le jeudi et le dimanche, il faisait des réussites, pesamment, le nez sur les cartes, sans paraître entendre les chuchotements derrière son dos. La bande causait de l'affaire, s'adressait des signes par-dessus sa tête, complotait au coin de son feu, comme s'il n'eût pas été là, tant il semblait bonhomme. Il demeurait impassible, détaché de tout, si éloigné des choses dont on parlait à voix basse, qu'on finissait par hausser la voix en s'égayant de ses distractions. Lorsqu'on mettait la conversation sur sa rentrée au pouvoir, il s'emportait, il jurait de ne jamais bouger, quand même un triomphe l'attendrait au bout de sa rue. Et en effet, il s'enfermait de plus en plus étroitement chez lui, affectant une ignorance absolue des événements extérieurs. Le petit hôtel de la rue Marbeuf, d'où rayonnait une telle fièvre de propagande, était un lieu de silence et de sommeil, au seuil duquel les familiers se jetaient des coups d'œil d'intelligence pour laisser dehors l'odeur de bataille qu'ils apportaient dans leurs vêtements. « Allons donc !» criait Dupoisat. « Il nous fait tous poser, il nous entend très bien. Regardez ses oreilles le soir, on les voit s'élargir. » À 10h30, lorsqu'ils se retiraient tous ensemble, c'était le sujet de conversation habituel. Il n'était pas possible que le grand homme ignorât le dévouement de ses amis. Il jouait au bon Dieu, disait encore l'ancien sous-préfet. Ce diable de Rougon vivait comme une idole hindoue, assoupi dans la satisfaction de lui-même, les mains croisées sur le ventre, souriant et béat au milieu d'une foule de fidèles, qu'il adorait en se coupant les entrailles en quatre. On déclarait cette comparaison très juste. « Je le surveillerai, vous verrez !» concluait du Poisat. Mais on eut beau étudier le visage de Rougon, on le trouva toujours fermé, paisible, presque naïf. Peut-être était-il de bonne foi. D'ailleurs, Clorinde préférait qu'il ne se mêlât de rien. Elle redoutait de le voir se mettre en travers de ses plans si on le forçait un jour à ouvrir les yeux. C'était comme malgré lui qu'on travaillait à sa fortune. Il s'agissait de le pousser quand même, de l'asseoir à quelques sommets, violemment. Ensuite, on compterait. Cependant, peu à peu, les choses marchant, avec trop de lenteur, la bande finit par s'impatienter. Les aigreurs de Dupoisat l'emportèrent. On ne reprocha pas nettement à Rougon tout ce qu'on faisait pour lui, mais on le larda d'allusions, de mots amers à double entente. Maintenant, le colonel venait quelquefois aux soirées, les pieds blancs de poussière. Il n'avait pas eu le temps de passer chez lui, il s'était éreinté à courir tout l'après-midi. Des courses bêtes dont on ne lui aurait sans doute jamais de reconnaissance. D'autres soirs, c'était M. Cannes, les yeux gros de fatigue, qui se plaignait de veiller trop tard depuis un mois. Il allait beaucoup dans le monde, non que cela l'amusât, grand Dieu, mais il y rencontrait certaines gens pour certaines affaires. Ou bien Mme Coreur racontait des histoires attendrissantes. L'histoire d'une pauvre jeune femme, une veuve très recommandable, à laquelle elle allait tenir compagnie. Et elle regrettait de n'avoir aucune puissance. Elle disait que si elle était le gouvernement, elle empêcherait bien des injustices. Puis tous ses amis étalaient leur propre misère. Chacun se lamentait, disait quelle serait sa situation s'il ne s'était pas montré trop bête. Doléances sans fin, que des regards jetés sur Rougon soulignaient clairement. On l'éperonnait au sang. On allait jusqu'à vanter M. de Marcy. Lui, d'abord, avait conservé sa belle tranquillité. Il ne comprenait toujours pas. Mais, au bout de quelques soirées, de légers tressaillements passèrent sur sa face à certaines phrases prononcées dans son salon. Il ne se fâchait point, il serrait un peu les lèvres, comme sous d'invisibles piqûres d'aiguilles. Et, à la longue, il devint si nerveux qu'il abandonna ses réussites. Elle ne réussissait plus. Il préférait se promener à petits pas, causant, quittant brusquement les gens quand les reproches déguisés commençaient. Par moments, des fureurs blanches le prenaient. Il semblait serrer avec force les mains derrière le dos pour ne pas céder à l'envie de jeter à la rue tout ce monde. « Mes enfants, dit un soir le colonel, moi je ne reviens pas de 15 jours, il faut le bouder, nous verrons s'il s'amusera tout seul. » Alors Rougon, qui rêvait de fermer sa porte, fut très blessé de l'abandon où on le laissait. Le colonel avait tenu parole, d'autres l'imitaient. Le salon était presque vide, il manquait toujours 5 ou 6 amis. Lorsqu'un d'eux reparaissait après une absence et que le grand homme lui demandait s'il n'avait pas été malade, il répondait non d'un air surpris et il ne donnait aucune explication. Un jeudi, il ne vint personne. Rougon passa la soirée seul à se promener dans la vaste pièce, les mains dans le dos, la tête basse. Il sentait pour la première fois la force du lien qui l'attachait à sa bande. Des haussements d'épaules disaient son mépris quand il songeait à la bêtise des Charbonnelles, à la rage envieuse de Dupoisat, aux douceurs louches de Madame Coreur. Pourtant, ses familiers, qu'il tenait en si médiocre estime, il avait le besoin de les voir, de régner sur eux, un besoin de maître jaloux, pleurant en secret les moindres infidélités. Même, au fond de son cœur, il était attendri par leurs sottises, il aimait leurs vices. Il semblait à présent faire partie de son être, ou plutôt c'était lui qui se trouvait lentement absorbé. À ce point qu'il restait comme diminué les jours où il s'écartait de sa personne. Aussi finit-il par leur écrire lorsque leur absence se prolongeait. Il allait jusqu'à les voir chez eux pour faire la paix après les bouderies sérieuses. Maintenant, on vivait en continuelle querelle, rue Marbeuf, avec cette fièvre de rupture et de raccommodement des ménages dont l'amour s'aigrit. Dans les derniers jours de décembre, il y eut une débandade particulièrement grave. Un soir, sans qu'on sût pourquoi, les mots amenant les mots, on s'était dévoré entre soi, à dents aiguës. Pendant près de 3 semaines, on ne se revit pas. La vérité était que la bande commençait à désespérer. Les efforts les plus savants n'aboutissaient à aucun résultat appréciable. La situation ne semblait pas devoir changer de longtemps. La bande abandonnait le rêve de quelque catastrophe imprévue qui aurait rendu Rougon nécessaire. Elle avait attendu l'ouverture de la session du corps législatif. Mais la vérification des pouvoirs s'était faite sans amener autre chose qu'un refus de serment de 2 députés républicains. À cette heure, M. Kahn lui-même, l'homme souple et profond du groupe, ne comptait plus voir tourner à leur profit la politique générale. Rougon, exaspéré, s'occupait de son affaire des Landes avec un redoublement de passion, comme pour cacher les tressaillements de sa face, qu'il ne parvenait plus à endormir. « Je ne me sens pas bien, » disait-il parfois. « Vous voyez, mes mains tremblent. Mon médecin m'a ordonné de faire de l'exercice. Je suis toute la journée dehors. » En effet, il sortait beaucoup. On le rencontrait, les mains ballantes, la tête haute, distrait. Quand on l'arrêtait, il racontait des choses interminables. Un matin, comme il rentrait déjeuner, après une promenade du côté de Chaillot, il trouva une carte de visite à tranches dorées sur laquelle s'étalait le nom de Gilles Quint, écrit à la main en belle anglaise. La carte était très sale, toute marquée de doigts gras. Il sonna son domestique. « La personne qui vous a remis cette carte n'a rien dit ?» demanda-t-il. Le domestique, nouveau dans la maison, eut un sourire. « C'est un monsieur en paletot vert. Il a l'air bien aimable. Il m'a offert un cigare. Il a dit seulement qu'il était un de vos amis. » Et il se retirait lorsqu'il se ravisa. « Je crois qu'il y a quelque chose d'écrit derrière. » Rougon retourna la carte et lut ces mots au crayon. « Impossible d'attendre. Je passerai dans la soirée. C'est très pressé. Une drôle d'affaire. » Il eut un geste d'insouciance. Mais après son déjeuner, la phrase « C'est très pressé, une drôle d'affaire » lui revint à l'esprit, s'imposa, finit par l'impatienter. Quelle pouvait être cette affaire que Gilles Quint trouvait drôle? Depuis qu'il avait chargé l'ancien commis voyageur de besognes obscures et compliquées, il le voyait régulièrement une fois par semaine, le soir. Jamais celui-ci ne s'était présenté le matin. Il s'agissait donc d'une chose extraordinaire. Rougon, à bout de suppositions, pris d'une impatience qu'il trouvait lui-même ridicule, se décida à sortir, à tenter de voir Gilles Quint avant la soirée. « Quelque histoire d'ivrogne !» pensait-il en descendant les Champs-Élysées. « Enfin, je serai tranquille. » Il allait à pied, voulant suivre l'ordonnance de son médecin. La journée était superbe, un clair soleil de janvier dans un ciel blanc. Gilles Quint ne demeurait plus passage Gutin au Batignolles. Sa carte portait rue Guisarde, Faubourg Saint-Germain. Rougon eut toutes les peines du monde à découvrir cette rue abominablement sale, située près de Saint-Sulpice. Il trouva au fond d'une allée noire une concierge couchée qui lui cria de son lit, d'une voix cassée par la fièvre, « Monsieur Gilles Quint, ah, je ne sais pas, voyez au 4e, tout en haut, la porte à gauche. » Au 4e étage, le nom de Gilles Quint était écrit sur la porte, entouré d'arabesques représentant des cœurs enflammés percés de flèches. mais il eut beau frapper, il n'entendit, derrière le bois, que le tic-tac d'un coucou et le miaulement d'une chatte, très doux dans le silence. À l'avance, il se doutait qu'il faisait une course inutile. Cela le soulagea pourtant d'être venu. Il redescendit, calmé, en se disant qu'il pouvait bien attendre le soir. Puis, dehors, il ralentit le pas. Il traversa le marché Saint-Germain, suivit la rue de Seine, sans but, un peu las déjà, décidé cependant à rentrer à pied. Et, comme il arrivait à la hauteur de la rue Jacob, il songea aux Charbonnelles. Depuis 10 jours, il ne les avait pas vus. Il le boudait. Alors, il résolut de monter un instant chez eux pour leur tendre la main. Cet après-midi, le temps était si tiède qu'il se sentait tout attendri. La chambre des Charbonnelles, à l'hôtel du Périgord, donnait sur la cour, un puits sombre, d'où montait une odeur d'évier mal lavé. Elle était noire, grande, avec un mobilier d'acajou et clopé et des rideaux de damas rouge d'étain. Lorsque Rougon entra, Madame Charbonnel pliait ses robes, qu'elle mettait au fond d'une grande malle, tandis que Monsieur Charbonnel, suant, les bras raidis, ficelait une autre malle, plus petite. « Eh bien, vous partez ?» demanda-t-il en souriant. « Oh oui !» répondit Madame Charbonnel avec un profond soupir. « Cette fois, c'est bien fini !» Cependant, ils s'empressèrent, très flattés de le voir chez eux. Toutes les chaises étaient encombrées par des vêtements, des paquets de linge, des paniers dont les flancs crevaient. Il s'assit sur le bord du lit, en reprenant de son air bonhomme. « Laissez donc, je suis très bien là. Continuez ce que vous faisiez, je ne veux pas vous déranger. C'est par le train de 8 heures que vous partez ?»« Oui, par le train de 8 heures, » dit Monsieur Charbonnel. « Ça nous fait encore 6 heures à passer dans ce Paris. » Ah, nous nous en souviendrons longtemps, Monsieur Rougon. » Et lui, qui parlait peu d'ordinaire, lâcha des choses terribles, alla jusqu'à monter le poing à la fenêtre, en disant qu'il fallait venir dans une ville pareille pour ne pas voir clair chez soi à 2 heures de l'après-midi. Ce jour sale, tombant du puits étroit de la cour, c'était Paris. Mais, Dieu merci, il allait retrouver le soleil dans son jardin de Plassans. Et il regardait autour de lui s'il n'oubliait rien. Le matin, il avait acheté un indicateur des chemins de fer. Sur la cheminée, dans un papier taché de graisse, il montra un poulet qu'ils emportaient pour manger en route. « Ma bonne, » répétait-il, « as-tu bien vidé tous les tiroirs ? J'avais des pantoufles dans la table de nuit. Je crois que des papiers sont tombés derrière la commode. » Rougon, au bord du lit, regardait avec un serrement de cœur les préparatifs de ces vieilles gens, dont les mains tremblaient en faisant leur paquet. Il sentait un muet reproche dans leur émotion. C'était lui qui les avait retenus à Paris, et cela aboutissait à un échec absolu, à une véritable fuite. « Vous avez tort, » murmura-t-il. Madame Charbonnel eut un geste de supplication, comme pour le faire taire. Elle dit vivement « Écoutez, monsieur Rougon, ne nous promettez rien. Notre malheur recommencerait. Quand je pense que depuis 2 ans et demi nous vivons ici, 2 ans et demi, mon Dieu, au fond de ce trou, je garderai pour le restant de mes jours des douleurs dans la jambe gauche. C'est moi qui couchais du côté de la ruelle, et le mur, là, derrière vous, pisse l'eau. « Non, je ne puis pas tout vous dire, ce serait trop long. Nous avons mangé un argent fou. Tenez, hier, j'ai dû acheter cette malle pour emporter ce que nous avons usé à Paris. Des vêtements mal cousus qu'on nous a vendus les yeux de la tête. Du linge qui me revenait en loques de la blanchisseuse. Ah, ce sont vos blanchisseuses que je ne regretterai pas, par exemple. Elles brûlent tout avec leurs acides. » Et elle jeta un tas de chiffons dans la malle en criant « Non, non, nous partons. Voyez-vous, 1 heure de plus, ces gens mourraient. » Mais Rougon, avec entêtement, reparla de leur affaire. Ils avaient donc appris de bien mauvaises nouvelles ? Alors les Charbonnelles, presque en pleurant, lui contèrent que l'héritage de leur petit cousin Chevassu allait décidément leur échapper. Le Conseil d'État était sur le point d'autoriser les sœurs de la Sainte Famille à accepter le legs de 500 000 francs. Et ce qui avait achevé de leur ôter tout espoir, c'était qu'on leur avait appris la présence de Monseigneur Rochard à Paris, où il venait une seconde fois pour enlever l'affaire. Tout d'un coup, M. Charbonnel, pris d'un brusque emportement, cessa de s'acharner sur la petite Mahale et se tordit les bras en répétant d'une voix brisée « 500 000 francs ! 500 000 francs !» Le cœur manqua à tous deux. Ils s'assirent, le mari sur la malle, la femme sur un paquet de linge au milieu du bouleversement de la pièce. Et, avec des paroles longues et molles, ils se plaignirent. Quand l'un se taisait, l'autre recommençait. Ils rappelaient leur tendresse pour le petit cousin Chevassu, comme ils l'avaient aimé. La vérité était qu'ils ne le voyaient plus depuis 17 ans, lorsqu'ils avaient appris sa mort. Mais en ce moment, ils s'attendrissaient de très bonne foi. Ils croyaient l'avoir entouré de toutes sortes d'attentions pendant sa maladie. Puis, ils accusèrent les sœurs de la Sainte Famille de manœuvres honteuses. Elles avaient capté la confiance de leurs parents, écartant de lui ses amis, exerçant une pression de toutes les heures sur sa volonté affaiblie de malade. Madame Charbonnel, qui était pourtant dévote, alla jusqu'à conter une histoire abominable par laquelle leur petit cousin Chevassu serait mort de peur après avoir écrit son testament sous la dictée d'un prêtre qui lui avait montré le diable au pied de son lit. Quant à l'évêque de Faverolles, Monseigneur Rochard, il faisait là un vilain métier en dépouillant de leurs biens de braves gens, connus de tout Plassans pour l'honnêteté avec laquelle il s'était amassé une petite aisance dans les huiles. « Mais tout n'est peut-être pas perdu, » dit Rougon qui les voyait faiblir. « Monseigneur Rochard n'est pas le bon Dieu. Je n'ai pas pu m'occuper de vous, j'ai tant d'affaires. Laissez-moi voir où en sont les choses. Je ne veux pas qu'on vous mange. » Les Charbonnel se regardèrent avec un léger haussement d'épaules. Le mari murmura « Ce n'est pas la peine, monsieur Rougon. » Et comme Rougon insistait, en jurant qu'il allait faire tous ses efforts, qu'il n'entendait pas les voir partir ainsi. « Ce n'est pas la peine, bien sûr, » répéta la femme. « Vous vous donneriez du mal pour rien. Nous avons causé de vous avec notre avocat. Il s'est mis à rire. Il nous a dit que vous n'étiez pas de force en ce moment contre Monseigneur Rochard. » « Quand on n'est pas de force, que voulez-vous ? » dit à son tour Monsieur Charbonnel. « Il vaut mieux céder. » Rougon avait baissé la tête. Les phrases de ces vieilles gens l'atteignaient comme des soufflets. Jamais il n'avait souffert plus cruellement de son impuissance. Cependant, Madame Charbonnel continuait. « Nous allons retourner à Plassans. C'est beaucoup plus sage. Oh, nous ne nous quittons pas fâchés, Monsieur Rougon. Quand nous verrons là-bas Madame Félicité, votre mère, nous lui dirons que vous vous êtes mis en quatre pour nous. » Et si d'autres nous questionnent, n'ayez pas peur, ce n'est jamais nous qui vous nuirons. On n'est point tenu de faire plus qu'on ne peut, n'est-ce pas ? C'était le comble. Il s'imaginait les Charbonnel débarquant au fond de sa province. Dès le soir, toute la petite ville clabaudait. C'était pour lui un échec personnel, une défaite dont il mettrait des années à se relever. Restez ! Cria-t-il. « Je veux que vous restiez. Nous verrons si Monseigneur Rochard m'avale d'une bouchée. » Il riait d'un rire inquiétant qui effraya les Charbonnel. Pourtant, il résistait toujours. Enfin, ils consentirent à demeurer quelque temps encore à Paris. 8 jours, pas plus. Le mari dénouait laborieusement les cordes dont il avait ficelé la petite malle. La femme, bien qu'il fût à peine 3 heures, venait d'allumer une bougie pour replacer le linge et les vêtements dans les tiroirs. Quand il les quitta, Rougon leur serra affectueusement la main en renouvelant ses promesses. Dans la rue, au bout de 10 pas, il se repentit. Pourquoi avait-il retenu ces Charbonnel qui s'entêtaient à vouloir partir ? C'était une excellente occasion pour se débarrasser d'eux. Maintenant, il se trouvait plus que jamais engagé à leur faire gagner leur procès. Et il était surtout irrité contre lui-même, en s'avouant les motifs de vanité auxquels il avait obéi. Cela lui semblait indigne de sa force. Enfin, il avait promis, il aviserait. Il descendit la rue Bonaparte, suivit le quai et traversa le pont des Saint-Pères. Le temps restait doux. Sur la rivière, cependant, un vent très vif soufflait. Il se trouvait au milieu du pont, boutonnant son paletot, lorsqu'il aperçut devant lui une grosse dame chargée de fourrure qui lui barrait le trottoir. À la voir, il reconnut Madame Coreur. « Ah, c'est vous !» disait-elle d'un air dolent. « Il faut que je vous rencontre pour consentir à vous serrer la main. Je ne serai pas allée chez vous de 8 jours. Non, vous n'êtes pas assez obligeant. » Et elle lui reprocha de n'avoir pas fait une démarche qu'elle lui demandait depuis des mois. Il s'agissait toujours de cette demoiselle Herminie Bicoq, une ancienne élève de Saint-Denis, que son séducteur, un officier, consentait à épouser si quelque âme honnête voulait bien avancer la dot réglementaire. D'ailleurs, toutes ces dames la persécutaient. Madame Veuve Le Turc attendait son bureau de tabac. Les autres, Madame Chardon, Madame Testanière, Madame Jalaquier, venaient tous les jours pleurer misère chez elle et lui rappelaient les engagements qu'elle avait cru pouvoir prendre. « Moi, je comptais sur vous !» dit-elle en terminant. « Oh, vous m'avez laissé dans un joli pétrin. Tenez, de ce pas, je vais au ministère de l'Instruction publique pour la bourse du petit Jalaguier. Vous me l'aviez promise, cette bourse !» Elle soupira, elle murmura encore. « Enfin, nous sommes bien forcés de trotter, puisque vous refusez d'être notre bon Dieu à tous. » Rougon, que le vent incommodait, gonflait le dos en regardant, au bas du pont, le port Saint-Nicolas, qui mettait là un coin de ville marchande. Tout en écoutant Madame Coreur, il s'intéressait à une péniche chargée de pain de sucre. Des hommes la déchargeaient en faisant glisser les pains le long d'une rigole formée de 2 planches. 300 personnes, du haut des quais, suivaient cette manœuvre. « Je ne suis rien, je ne peux rien, » répondit-il. « Vous avez tort de me garder rancune. » Mais elle reprit d'un ton superbe. « Laissez donc, je vous connais, moi. Quand vous voudrez, vous serez tout. Ne faites pas le finot, Eugène. » Il ne put retenir un sourire. La familiarité de Madame Mélanie, comme il la nommait autrefois, réveillait en lui le souvenir de l'hôtel Vanneau, lorsqu'il n'avait pas de bottes aux pieds et qu'il conquérait la France. Il oublia les reproches qu'il venait de s'adresser en sortant de chez les Charbonnel. « Voyons, » dit-il d'un air bon enfant, « qu'avez-vous à me conter ? Mais je vous en prie, ne restons pas en place, on gèle ici. Puisque vous allez rue de Grenelle, je vous accompagne jusqu'au bout du pont. » Alors il retourna sur ses pas, marchant à côté de Madame Coreur, sans lui donner le bras. Celle-ci longuement disait ses chagrins. Les autres, après tout, je m'en moque. Ces dames attendront. Je ne vous tourmenterai pas. Je serai gaie comme autrefois. Vous vous rappelez? Si je n'avais moi-même de gros ennuis. Que voulez-vous? On finit par s'aigrir. Mon Dieu, il s'agit toujours de mon frère, ce pauvre Martineau. Sa femme l'a rendu complètement fou. Il n'a plus d'entrailles. » Et elle entra dans de minutieux détails sur une nouvelle tentative de raccommodement qu'elle avait faite la semaine précédente. Pour connaître au juste les dispositions de son frère à son égard, elle s'était avisée d'envoyer là-bas, à Coulonges, une de ses amies, cette demoiselle Herminie Bicoq, dont elle mûrissait le mariage depuis 2 ans. « Son voyage m'a coûté 117 francs, » continua-t-elle. « Eh bien, savez-vous comment on l'a reçu ? Madame Martineau s'est jetée entre elle et mon frère, furieuse, l'écume à la bouche, en criant que si j'en voyais les gourgandines, elle les ferait arrêter par les gendarmes. Ma bonne Herminie était encore si tremblante quand je suis allée la chercher à la gare Montparnasse que nous avons dû entrer dans un café pour prendre quelque chose. » Ils étaient arrivés au bout du pont. Les passants les coudoyaient. Rougon tâchait de la consoler, cherchait de bonnes paroles. « Cela est bien fâcheux. Mais votre frère reviendra, vous verrez, le temps arrange tout. » Puis, comme elle le tenait là, au coin du trottoir, dans le vacarme des voitures qui tournaient, il se remit à marcher. Il revint sur le pont, à petits pas. Elle le suivait. Elle répétait « Le jour où Martino mourra, elle est capable de tout brûler s'il laisse un testament. Le pauvre cher homme n'a plus que les os et la peau. Herminie lui a trouvé une bien mauvaise mine. Enfin, je suis bien tourmentée. » « On ne peut rien faire, il faut attendre, » dit Rougon avec un geste vague. Elle s'arrêta de nouveau au milieu du pont et, baissant la voix, « Herminie m'a appris une singulière chose. Il paraît que Martino s'est fourré dans la politique maintenant. Il est républicain. Aux dernières élections, il avait bouleversé le pays. Ça m'a porté un coup, hein. On pourrait l'inquiéter. » Il y eut un silence. Elle le regardait fixement, lui, suivit des yeux un landau qui passait, comme s'il avait voulu éviter son regard. Il reprit, d'un air innocent, « Tranquillisez-vous, vous avez des amis, n'est-ce pas? Eh bien, comptez sur eux. » « Je ne compte que sur vous, Eugène, » dit-elle tendrement, très bas. Alors, il sembla touché. Il la regarda à son tour, en face, et il la trouva tendrissante, avec son cou gras, son masque plâtré de belle femme qui ne voulait pas vieillir. Elle était toute sa jeunesse. « Oui, comptez sur moi, » répondit-il en lui serrant les mains. « Vous savez bien que j'épouse toutes vos querelles. » Il la reconduisit encore jusqu'au quai Voltaire. Quand elle l'eut quitté, il traversa enfin le pont, ralentissant sa marche, s'intéressant de nouveau au pain de sucre qu'on déchargeait sur le port Saint-Nicolas. Il s'accouda même un instant au parapet. Mais les pains qui coulaient dans les rigoles, l'eau verte dont le flot continu entrait sous les arches, les badauds, les maisons, tout se brouilla bientôt, se noya au fond d'une rêverie invincible. Il songeait à des choses confuses. Il descendait avec Madame Coreur dans des profondeurs noires, et il n'avait plus de regrets. Son rêve était de devenir très grand, très puissant, afin de satisfaire ceux qui l'entouraient au-delà du naturel et du possible. Un frisson le tira de son immobilité. Il grelottait. La nuit tombait, les souffles de la rivière soulevaient sur les quais de petites poussières blanches. Comme il suivait le quai des Tuileries, il se sentit très las. Le courage lui manqua, tout d'un coup, pour rentrer à pied. Mais il ne passait que des fiacres pleins, et il allait renoncer à trouver une voiture lorsqu'il vit un cocher arrêter son cheval en face de lui. Une tête sortait de la portière, c'était M. Kahn qui criait. « J'allais chez vous, montez donc, je vous reconduirai et nous pourrons causer. » Rougon monta. Il était à peine assis, que l'ancien député éclata en paroles violentes dans les chaos du fiacre dont le cheval avait repris son trot endormi. « Ah, mon ami, on vient de me proposer une chose. Jamais vous ne devineriez. J'étouffe. » Et baissant la glace d'une portière, « Vous permettez, n'est-ce pas ?» Rougon s'enfonça dans un coin, regardant, par la glace ouverte, filer la muraille grise du jardin des Tuileries. M. Kahn, très rouge, continuait avec des gestes saccadés. « Vous le savez, j'ai suivi vos conseils. Depuis 2 ans, je lutte opiniâtrement. J'ai vu l'empereur 3 fois. J'en suis à mon 4e mémoire sur la question. Si je n'ai pas obtenu la concession de mon chemin de fer, j'ai toujours empêché que Marcy ne la fasse donner à la Compagnie de l'Ouest. Enfin, j'ai manœuvré de façon à attendre que nous fussions les plus forts, comme vous m'aviez dit. » Il se tut un instant, sa voix se perdant dans le tapage abominable d'une charrette chargée de fer qui longeait le quai. Puis, quand le fiacre eut dépassé la charrette, « Eh bien, tout à l'heure, dans mon cabinet, un monsieur que je ne connais pas, un gros entrepreneur, paraît-il, est venu tranquillement m'offrir, au nom de Marcy et du directeur de la Compagnie de l'Ouest, de me faire accorder la concession, si je voulais bien compter à ces messieurs 1 million en actions. Qu'en dites-vous ? »« C'est un peu cher, » murmura Rougon en souriant. Monsieur Kahn hochait la tête, les bras croisés. Non, vous ne vous faites pas une idée de l'aplomb de ces gens-là. Il faudrait vous raconter ma conversation tout entière avec l'entrepreneur. Marcy, moyennant le million, s'engage à m'appuyer et à faire aboutir ma demande dans un délai d'un mois. C'est sa part qu'il réclame, rien de plus. Et comme je parlais de l'empereur, notre homme s'est mis à rire. Il m'a dit en propres termes que j'étais fichu si j'avais l'empereur pour moi. Le fiacre débouchait sur la place de la Concorde. Rougon sortit de son coin, comme réchauffé, le sang aux joues. « Et vous avez flanqué ce monsieur à la porte ?» demanda-t-il. L'ancien député, l'air très surpris, le regarda un instant sans répondre. Sa colère était brusquement tombée. Il s'enfonça à son tour dans un coin de la voiture, s'abandonnant mollement au chaos, murmurant « Ah non, on ne flanque pas les gens à la porte comme ça, sans réfléchir. Je voulais avoir votre avis, d'ailleurs. Moi, je l'avoue, j'ai envie d'accepter. »« Jamais, Kahn !» cria Rougon furieux. « Jamais !» Et ils discutèrent. Monsieur Kahn donnait des chiffres. Sans doute, un pot de vin d'un million était énorme. Mais il prouvait qu'on boucherait aisément ce trou à l'aide de certaines opérations. Rougon n'écoutait pas, refusait d'entendre de la main. Lui se moquait de l'argent. Il ne voulait pas que Marcy empochât un million, parce que laisser donner ce million, c'était avouer son impuissance, se reconnaître vaincu, estimer l'influence de son rival à un prix exorbitant, qui l'agrandissait encore en face de la sienne. « Vous voyez bien qu'il se fatigue, » dit-il. « Il met les pouces, attendez encore, nous aurons la concession pour rien. » Et il ajouta d'un ton presque menaçant « Nous nous fâcherions, je vous en préviens. Je ne peux pas admettre qu'un de mes amis soit rançonné de cette façon. » Il se fit un silence. Le fiacre montait les Champs-Élysées. Les deux hommes, songeurs, semblaient compter attentivement les arbres dans les contre-allées. Ce fut M. Kahn qui reprit le premier à demi-voix. « Écoutez-moi, je ne demanderai pas mieux. Je voudrais rester avec vous. » Mais avouez que depuis bientôt 2 ans... » Il n'acheva pas, il tourna autrement sa phrase. « Enfin, ce n'est pas votre faute, vous avez les mains liées en ce moment. Donnons le million, croyez-moi. »« Jamais !» répéta Rougon avec force. « Dans 15 jours, vous aurez votre concession, entendez-vous » Le fiacre venait de s'arrêter devant le petit hôtel de la rue Marbeuf. Alors, sans descendre, la portière fermée, ils causèrent là encore un instant, comme s'ils s'étaient trouvés dans leur cabinet, très à l'aise. Rougon avait le soir à dîner M. Bouchard et le colonel Joblin, et il voulait retenir M. Kahn, qui refusait, à son grand regret, étant déjà invité ailleurs. Maintenant, le grand homme se passionnait pour l'affaire de la concession. Quand il fut enfin descendu du fiacre, il referma amicalement la portière en échangeant un dernier signe de tête avec l'ancien député. « À demain, je vous dis, n'est-ce pas ?» cria celui-ci qui allongea le cou pendant que la voiture l'emportait. Rougon rentra avec une légère fièvre. Il ne put même lire les journaux du soir. Bien qu'il fût à peine 5 heures, il passa au salon où il attendit ses invités en se promenant de long en large. Le premier soleil de l'année, ce pâle soleil de janvier, lui avait donné un commencement de migraine. Il gardait de son après-midi une sensation très vive. Toute la bande était là, les amis qu'il subissait, ceux dont il avait peur, ceux pour lesquels il éprouvait une véritable affection, le poussant, l'acculant à un dénouement immédiat. Et cela ne lui déplaisait pas. Il donnait raison à leur impatience. Il sentait monter en lui une colère faite de leur colère. C'était comme si, peu à peu, on eût rétréci l'espace devant ses pas. L'heure venait où il lui faudrait faire quelques sauts formidables. Brusquement, il songea à Gilles Quint, qu'il avait complètement oublié. Il sonna pour demander si le monsieur au paletot vert était revenu pendant son absence. Le domestique n'avait vu personne. Alors il donna l'ordre, s'il se présentait le soir, de l'introduire dans son cabinet. « Et vous me préviendrez tout de suite. ajouta-t-il, même si nous sommes à table. » Puis, sa curiosité réveillée, il alla chercher la carte de Gilquin. Il relut à plusieurs reprises « C'est pressé, une drôle d'affaire », sans en apprendre davantage. Quand M. Bouchard et le colonel arrivèrent, il glissa la carte dans sa poche, troublé, irrité par cette phrase, qui se plantait de nouveau dans sa cervelle. Le dîner fut très simple. M. Bouchard était garçon depuis 2 jours, sa femme ayant dû partir auprès d'une tante malade, dont elle parlait d'ailleurs pour la première fois. Quant au colonel, qui trouvait toujours son couvert mis chez Rougon, il avait amené ce soir-là son fils Auguste, alors en congé. Madame Rougon fit les honneurs de la table avec sa bonne grâce silencieuse. Le service s'opérait sous ses yeux, lentement, minutieusement, sans qu'on entendît le moindre bruit de vaisselle. On causa des études dans les lycées. Le chef de bureau cita des vers d'Horace, rappela les prix qu'il avait remportés aux concours généraux vers 1813. Le colonel aurait voulu une discipline plus militaire. Et il dit pourquoi Auguste s'était fait refuser au baccalauréat en novembre. L'enfant avait une intelligence si vive qu'il allait toujours au-delà des questions des professeurs, ce qui mécontentait ces messieurs. Pendant que son père expliquait ainsi son échec, Auguste mangeait un blanc de volaille avec un sourire en dessous de cancre réjoui. Au dessert, un coup de sonnette dans le vestibule parut émotionner Rougon, jusque-là distrait. Il crut que c'était Gilquin. Il leva vivement les yeux vers la porte, pliant déjà machinalement sa serviette, en attendant d'être prévenu. Mais ce fut Dupoisat qui entra. L'ancien sous-préfet s'assit à 2 pas de la table, en familier de la maison. Il venait souvent le soir de bonne heure, tout de suite après son repas, qu'il prenait dans une petite pension du faubourg Saint-Honoré. « Je suis éreinté !» murmura-t-il sans donner aucun détail sur ses besognes compliquées de l'après-midi. Je serais allé me coucher si je n'avais eu l'idée de venir jeter un coup d'œil sur les journaux. Ils sont dans votre cabinet, n'est-ce pas, Rougon ? Il resta là pourtant. Il accepta une poire avec 2 doigts de vin. La conversation s'était mise sur la cherté des vivres. Tout, depuis 20 ans, se trouvait doublé. Monsieur Bouchard se souvenait d'avoir vu les pigeons à 15 sous la paire dans sa jeunesse. Cependant, dès que le café et les liqueurs furent servis, Madame Rougon se retira discrètement. On retourna au salon sans elle. On était comme en famille. Le colonel et le chef de bureau apportèrent eux-mêmes la table de jeu devant la cheminée et ils battirent les cartes, absorbés, perdus déjà dans de profondes combinaisons. Auguste, sur un guéridon, feuilletait la collection d'un journal illustré. Dupoisat avait disparu. « Voyez donc ce jeu !» dit brusquement le colonel. « Il est extraordinaire, hein ?» Rougon s'approcha, hocha la tête. Puis, comme il revenait s'asseoir dans le silence, prenant les pincettes pour relever les bûches, le domestique, qui était entré doucement, vint lui dire à l'oreille « Le monsieur de ce matin est là !» Il tressaillit. Il n'avait pas entendu le coup de sonnette. Dans son cabinet, il trouva Gilquin debout, un rotin sous le bras, examinant avec des clignements d'yeux d'artiste une mauvaise gravure représentant Napoléon à Sainte-Hélène. Il restait boutonné jusqu'au menton, au fond de son grand paletot vert, la tête couverte d'un chapeau de soie noire presque neuf, fortement incliné sur l'oreille. « Eh bien ! » demanda vivement Rougon. Mais Gilquin ne se pressait pas. Il branla la tête, il dit en regardant la gravure « C'est touché tout de même. Il a l'air de joliment s'embêter là-dessus. » Le cabinet se trouvait éclairé par une seule lampe posée sur un coin de bureau. À l'entrée de Rougon, un petit bruit, un frémissement de papier, était parti d'un fauteuil à dossier énorme placé devant la cheminée. Puis, un tel silence avait régné qu'on eût pu croire au craquement d'un tison à demi éteint. Gilquin, d'ailleurs, refusait de s'asseoir. Les 2 hommes demeurèrent près de la porte, dans un pan d'ombre que jetait un corps de bibliothèque. « Eh bien !» répétait Rougon. et il dit avoir passé rue Guisarde l'après-midi. Alors, l'autre parla de sa concierge, une excellente femme qui s'en allait de la poitrine, à cause de la maison dont le rez-de-chaussée était humide. Mais cette affaire pressée, qu'est-ce donc ? Attends, je suis venue pour ça, nous allons causer. Et tu es montée ? Tu as entendu la chatte ? Imagine-toi, c'est une chatte qui est venue par les gouttières. Une nuit, comme ma fenêtre était restée ouverte, je l'ai trouvée couchée avec moi. Elle me léchait la barbe. Ça m'a semblé une farce et je l'ai gardée. Enfin, il se décida à parler de l'affaire. Mais l'histoire fut longue. Il commença par conter ses amours avec une repasseuse, dont il s'était fait aimer un soir à la sortie de l'ambigu. Cette pauvre Lali venait d'être obligée de laisser ses meubles à son propriétaire parce qu'un amant l'avait quittée, juste au moment où elle devait saint terme. Alors, depuis 10 jours, elle habitait un hôtel de la rue Montmartre, près de son atelier. Et c'était chez elle qu'il avait couché toute la semaine, au deuxième, la porte au fond du couloir, dans une petite chambre noire qui donnait sur la cour. Rougon, résigné, l'écoutait. « Il y a 3 jours, donc, » continua Gilquin, « j'avais apporté un gâteau et une bouteille de vin. Nous avons mangé ça dans le lit, tu comprends. Nous nous couchons de bonne heure. Eulalie s'est levée un peu avant minuit pour secouer les miettes. Puis, la voilà qui dort à point fermé. Une vraie souche, cette fille. Moi, je ne dormais pas. J'avais soufflé la bougie, je regardais en l'air. Lorsqu'une dispute s'est élevée dans la chambre voisine, il faut te dire que les deux chambres communiquaient par une porte, aujourd'hui condamnée. Les voix restaient basses. La paix parut se faire. Mais j'entendis des bruits si singuliers que, ma foi, j'allais coller mon œil contre une fente de la porte. Non, tu ne devineras jamais. » Il s'arrêta, les yeux arrondis, jouissant de l'effet qu'il pensait produire. « Eh bien, ils étaient deux. » Un jeune de 25 ans, assez gentil, et un vieux qui doit avoir dépassé la cinquantaine. Petit, maigre, maladif. Les gaillards examinaient des pistolets, des poignards, des épées, toutes sortes d'armes neuves dont l'acier luisait. Ils parlaient dans un jargon à eux que je ne comprenais pas d'abord, mais à certains mots j'ai reconnu de l'italien. Tu sais, j'ai voyagé en Italie pour les pâtes. Alors je me suis appliquée. Et j'ai compris, mon bon. Ce sont des messieurs qui sont venus à Paris pour assassiner l'empereur. Voilà. » Et il croisa les bras, serrant sa canne sur sa poitrine, tandis qu'il répétait à plusieurs reprises « Elle est drôle !» C'était là l'affaire que Gilquin trouvait drôle. Rougon haussa les épaules. 20 fois on lui avait dénoncé des complots. Mais l'ancien commis voyageur précisait « Tu m'as dit de venir te répéter les cancans du quartier. Moi, je veux bien te rendre service. Je te répète tout, n'est-ce pas ? Tu as tort de branler la tête. Crois-tu que si j'étais allé à la préfecture, on ne m'aurait pas lâché un joli pourboire ? Seulement, j'aime mieux en faire profiter un ami. Entends-tu ? C'est sérieux. Va conter la chose à l'empereur, qui t'embrassera, parbleu. » Depuis 3 jours, il surveillait les jolis messieurs, comme il les nommait. Dans la journée, il en venait 2 autres, un jeune et un d'âge mûr, très beau, avec une face pâle, de longs cheveux noirs, qui semblait être le chef. Tout ce monde-là rentrait éreinté, discutait à mots couverts, brièvement. La veille, il les avait vus charger des petites machines en fer, qu'il croyait être des bombes. Il s'était fait donner la clé de Lali. Il restait dans la chambre, sans souliers, l'oreille tendue. Et dès 9 heures, le soir, il s'arrangeait de façon à ce que Lali ronflât pour tranquilliser les voisins. Selon lui, il ne fallait jamais mettre les femmes dans les affaires politiques. À mesure que Gilquin parlait, Rougon devenait grave. Il croyait. Sous la légère ivresse de l'ancien commis voyageur, au milieu des détails étranges dont le récit se trouvait coupé, il sentait une vérité se dégager et s'imposer. Puis, toute son attente de la journée, sa curiosité anxieuse, le frappait maintenant comme un pressentiment. et il était repris par ce tremblement intérieur qui le tenait depuis le matin, une émotion involontaire d'homme fort dont le sort va se jouer sur un coup de carte. « Des imbéciles qui doivent avoir toute la préfecture à leur trousse !» murmura-t-il en affectant une grande indifférence. Gilquin se mit à ricaner. Il mâchait entre ses dents. « La préfecture fera bien de se presser en ce cas !» Et il se tut, riant toujours, donnant une tape amicale à son chapeau. Le grand homme comprit qu'il n'avait pas tout dit. Il le regarda en face. Mais l'autre ouvrait la porte en reprenant « Enfin, te voilà prévenu. Moi, je vais dîner, mon bon. Je n'ai pas encore dîné, tel que tu me vois. J'ai filé mes individus tout l'après-midi. Et j'ai une faim. » Rougon l'arrêta, offrit de lui faire servir un morceau de viande froide, et il donna tout de suite l'ordre de mettre un couvert dans la salle à manger. Gilquin parut très touché. Il referma la porte du cabinet, baissa le ton pour que le domestique n'entendît pas. « Tu es un bon garçon. Écoute bien, je ne veux pas te mentir. Si tu m'avais mal reçu, j'allais à la préfecture. Mais à présent, tu sauras tout. C'est de l'honnêteté, hein ? Tu te souviendras de ce service-là, j'espère. Les amis, ils sont toujours les amis, on a beau dire. » Alors il se pencha et il ajouta d'une voix sifflante « C'est pour demain soir. On doit nettoyer Badinguet devant l'opéra à son entrée au théâtre. La voiture, les aides de camp, la clique, tout sera balayé du coup. » Pendant que Gilquin s'attablait dans la salle à manger, Rougon resta au milieu de son cabinet, immobile, la face terreuse. Il réfléchissait, il hésitait. Enfin, il s'assit à son bureau, prit une feuille de papier. Mais il la repoussa presque aussitôt. Un instant, il parut vouloir se diriger vivement vers la porte, comme sur le point de donner un ordre. Et il revint lentement. Il s'absorba de nouveau dans une pensée qui noyait son visage d'ombre. À ce moment, devant la cheminée, le fauteuil à dossier énorme eut une secousse brusque. Dupoisat se dressa, pliant un journal d'un air tranquille. « Comment ? Vous étiez là, vous ?» dit Rougon rudement. « Mais sans doute, je lisais les journaux, » répondit l'ancien sous-préfet, avec un sourire qui montrait ses dents blanches mal rangées. « Vous le saviez bien, vous m'avez vu en entrant. » Ce mensonge effronté coupa court à toute explication. Les deux hommes se regardèrent quelques secondes, en silence. Et comme Rougon semblait le consulter, perplexe, s'approchant une seconde fois de son bureau, Dupoisat eut un petit geste qui signifiait clairement « Attendez donc, rien ne presse, il faut voir. » Pas un mot ne fut échangé entre eux. Ils retournèrent au salon. Ce soir-là, une telle querelle avait éclaté entre le colonel et M. Bouchard à propos des princes d'Orléans et du comte de Chambord qu'ils venaient de jeter les cartes, jurant de ne plus jamais jouer ensemble. Ils s'étaient assis aux deux côtés de la cheminée, les yeux gros de menace. Quand Rougon entra, ils se réconciliaient en faisant de lui un éloge extraordinaire. « Oh, je ne me gêne pas, je le dis devant lui, » poursuivit le colonel. « Il n'y a personne de sa taille à cette heure. »« Nous disons du mal de vous, vous entendez ?» reprit Bouchard d'un air fin. Et la conversation continua. « Une intelligence hors ligne !»« Un homme d'action qui a le coup d'œil des conquérants !»« Ah, nous aurions bien besoin qu'il s'occupât un peu de nos affaires !» « Oui, le gâchis serait moins grand. Lui seul peut sauver l'Empire. » Rougon gonflait ses grosses épaules en affectant un air maussade par modestie. Ses coups d'encensoir en pleine figure lui étaient extrêmement agréables. Jamais sa vanité ne se trouvait si délicieusement chatouillée que lorsque le colonel et M. Bouchard, pendant des soirées entières, se renvoyaient ainsi des phrases admiratives. Leurs bêtises s'étalaient, leurs visages prenaient des expressions gravement bouffonnes, et plus ils les sentaient plats, plus ils jouissaient de leur voix monotone. qui le célébrait à faux d'une façon continue. Parfois, il en plaisantait quand les deux cousins n'étaient pas là. Mais il n'y contentait pas moins tous ses appétits d'orgueil et de domination. C'était un fumier d'éloges, assez vaste, pour qu'il pût y vautrer à l'aise son grand corps. « Non, non, je suis un pauvre homme, » dit-il en hochant la tête. « Ah, si j'étais réellement aussi fort que vous le croyez !» Il n'acheva pas. Il s'était assis devant la table de jeu, et machinalement, il faisait une réussite, ce qui ne lui arrivait plus que très rarement. Monsieur Bouchard et le colonel allaient toujours. Ils le déclaraient grand orateur, grand administrateur, grand financier, grand politique. Dupoisat, resté debout, approuvait de la tête. Il dit enfin, sans regarder Rougon, comme s'il n'eût pas été là, « Mon Dieu, un événement suffirait. L'empereur est très bien disposé pour Rougon. Que demain, une catastrophe éclate, qu'il sente le besoin d'un bras énergique, et après-demain, Rougon est ministre. Mon Dieu, oui !» Le grand homme leva lentement les yeux. Il se laissa aller au fond de son fauteuil, sans terminer sa réussite, la face de nouveau toute grise d'ombre. Mais dans sa songerie, les voix flatteuses et infatigables du colonel et de M. Bouchard semblaient le bercer, le pousser à quelque résolution, devant laquelle il hésitait encore. Il finissait par sourire, lorsque le jeune Auguste, qui venait d'achever la réussite interrompue, s'écria « Elle a réussi, M. Rougon !»« Parbleu !» dit Dupoisat, répétant le mot habituel du grand homme. « Ça réussit toujours !» À ce moment, un domestique vint dire à Rougon qu'un monsieur et une dame le demandaient, et il lui remit une carte qui lui fit pousser un léger cri. « Comment, ils sont à Paris ?» C'était le marquis et la marquise d'Escorail. Il se hâta de les recevoir dans son cabinet. Ils s'excusèrent de venir si tard. Puis, dans leur conversation, ils laissèrent entendre qu'ils se trouvaient à Paris depuis 2 jours, mais que la peur de voir mal interpréter leur visite chez un personnage tenant de près au gouvernement leur avait fait remettre cette visite à l'heure indue où ils se présentaient. Cette explication ne blessa nullement Rougon. La présence du marquis et de la marquise dans sa maison était pour lui un honneur inespéré. L'empereur en personne aurait frappé à sa porte, qu'il eût éprouvé une satisfaction de vanité moins grande. Ces vieilles gens, venant en solliciteurs, c'était tout plaçant qui lui rendait hommage, le plaçant aristocratique, froid, guindé, dont il avait gardé, du fond de sa jeunesse, une idée d'Olympe inaccessible. Et il satisfaisait enfin un rêve d'ambition ancienne. Il se sentait vengé des dédains de sa petite ville lorsqu'il y traînait ses souliers éculés d'avocat sans cause. « Nous n'avons pas trouvé Jules, » dit la marquise. « Nous nous faisions un plaisir de le surprendre. Il a dû aller à Orléans pour une affaire, paraît-il. » Rougon ignorait l'absence du jeune homme. Mais il comprit, en se souvenant que la tante auprès de laquelle se trouvait Madame Bouchard habitait Orléans. Et il excusa Jules. Il expliqua même l'affaire grave, un travail sur une question d'abus de pouvoir qui avait nécessité son voyage. Il le donna comme un garçon intelligent, dont la carrière serait belle. « Il a besoin de faire son chemin, » dit le marquis, sans appuyer sur cette allusion à la ruine de la famille. « Nous nous sommes séparés de lui avec un grand déchirement. » Et discrètement, le père et la mère déplorèrent les nécessités de notre abominable époque qui empêchent les fils de grandir dans la religion de leurs parents. Eux n'avaient pas remis les pieds à Paris depuis la chute de Charles X. Ils n'y seraient certes jamais revenus s'il ne s'était agi de l'avenir de Jules. Depuis que le cher enfant, sur leur conseil secret, servait l'Empire, il feignait bien devant le monde de le renier, mais il travaillait à son avancement d'une façon sourde et continue. Nous ne nous cachons pas avec vous, monsieur Rougon, reprit le marquis d'un ton de familiarité charmante. Nous aimons notre enfant, c'est bien légitime. Oh, vous avez beaucoup fait, et nous vous remercions. Mais il faut que vous fassiez plus encore. Nous sommes des amis et des compatriotes, n'est-ce pas ? Rougon, très ému, s'inclinait. L'attitude humble de ces deux vieillards, qu'il avait connus si majestueux quand ils se rendaient le dimanche à l'église Saint-Marc, lui causait un grandissement de sa propre personne. Il leur fit des promesses formelles. Lorsqu'ils se retirèrent, après 20 minutes de conversation intime, la marquise lui prit une main qu'elle garda dans la sienne en murmurant « Alors, c'est entendu, cher monsieur Rougon. Nous sommes venus exprès de Plassans. Nous nous impatientions, que voulez-vous, à notre âge. Maintenant, nous nous en retournerons bien joyeux. On nous disait que vous ne pouviez plus rien. » Rougon eut un sourire. Il prononça ces derniers mots d'un air de décision qui semblait répondre en lui à des pensées secrètes. « On peut ce qu'on veut. Comptez sur moi. » Cependant, quand ils ne furent plus là, l'ombre d'un regret lui passa encore sur le visage. Il s'arrêta au milieu de l'antichambre lorsqu'il aperçut, respectueusement debout, dans un coin, un individu proprement mis, balançant entre ses doigts un petit chapeau de feutre rond. « Qu'est-ce que vous voulez ? » lui demanda-t-il d'un ton brusque. L'individu, très grand, très fort, murmura en baissant les yeux « Monsieur ne me reconnaît pas ?» Et comme Rougon disait « Non » brutalement, « Je suis Merle, l'ancien huissier de monsieur au Conseil d'État. » Rougon se radoucit un peu. « Ah, très bien, vous portez toute votre barbe maintenant. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, mon garçon ?» Alors Merle expliqua, avec des manières polies d'homme comme il faut. Il avait rencontré Madame Coreur l'après-midi. C'était elle qui lui avait conseillé d'aller voir monsieur le soir même. Sans cela, il ne se serait jamais permis de déranger monsieur à pareille heure. « Madame Coreur est bien bonne, » répéta-t-il à plusieurs reprises. Puis, il dit enfin qu'il se trouvait sans place. S'il portait toute sa barbe, c'était qu'il avait quitté le Conseil d'État depuis environ 6 mois. Et quand Rougon l'interrogea sur les motifs de son renvoi, il n'avoua pas avoir été mis à la porte pour sa mauvaise conduite. Il pinça les lèvres, il répondit d'un air discret. « On savait combien j'étais dévoué à monsieur. Depuis le départ de monsieur, on me faisait toutes sortes de misères, parce que je n'ai jamais su cacher mes sentiments. » Un jour, j'ai failli donner un soufflet à un camarade qui disait des choses inconvenantes. Et ils m'ont renvoyé. Rougon le regardait fixement. « Alors, mon garçon, c'est à cause de moi que vous voilà sur le pavé. » Merle eut un petit sourire. « Et je vous dois une place, n'est-ce pas ? Il faut que je vous case quelque part. » Il sourit de nouveau en disant simplement « Monsieur serait bien bon. » Un court silence régna. Rougon tapait légèrement ses mains l'une contre l'autre d'un mouvement machinal et nerveux. Il se mit à rire, résolu, soulagé. Il avait trop de dettes. Il voulait payer tout. « Je songerai à vous. Vous aurez votre place, » reprit-il. « Vous avez bien fait de venir, mon garçon. » Et il le congédia. Cette fois, il n'hésitait plus. Il entra dans la salle à manger, où Gilquin achevait un pot de confiture, après avoir mangé une tranche de pâté, une cuisse de poulet et des pommes de terre froides. Dupoisat, qui était venu rejoindre ce dernier, causait avec lui à califourchon sur une chaise. Il parlait des femmes, de la façon de se faire aimer, très crûment. Gilquin avait gardé son chapeau sur la tête, et il se renversait, il se dandinait sur sa chaise, un cure-dent aux lèvres pour avoir bon genre. « Allons, je file !» dit-il en vidant son verre plein avec un claquement de langue. « Je vais rue Montmartre voir ce que deviennent mes oiseaux. » Mais Rougon, qui semblait très gai, le plaisanta. Est-ce qu'il croyait toujours à son histoire de conspirateur, maintenant qu'il avait dîné ? Dupoisat, lui aussi, affectait l'incrédulité la plus grande. Il prit rendez-vous pour le lendemain avec Gilquin, auquel il devait un déjeuner, disait-il. Gilquin, sa canne sous le bras, répétait, dès qu'il pouvait placer un mot, « Alors, vous n'allez pas prévenir ?»« Eh si !» finit par répondre Rougon. « On se moquera de moi, voilà tout. Rien ne presse, demain matin. » L'ancien commis voyageur tenait déjà le bouton de la porte. Il revint en ricanant. « Vous savez, » dit-il, « on peut faire sauter Badinguet. Je m'en fiche, moi. Ce serait même plus drôle. » « Oh !» reprit le grand homme d'un air convaincu, presque religieux. « L'empereur ne craint rien, même si l'histoire est vraie. Ces coups-là ne réussissent jamais. Il y a une providence. » Ce mot fut le dernier prononcé. Dupoisat s'en alla avec Gilquin, qu'il tutoyait amicalement. Et lorsque, une heure plus tard, à 10h30, Rougon donna une poignée de main à M. Bouchard et au colonel qui partaient, il s'étira les bras, il bâilla, comme il faisait parfois, en disant « Je suis éreinté, je vais joliment dormir cette nuit. » Le lendemain soir, trois bombes éclataient sous la voiture de l'empereur, devant l'opéra. Une épouvantable panique s'emparait de la foule entassée dans la rue Lepelletier. Plus de 50 personnes étaient frappées. Une femme en robe de soie bleue, tuée roide, barrait le ruisseau. Deux soldats agonisaient sur le pavé. Un aide de camp, blessé à la nuque, laissait derrière lui des gouttes de sang. Et sous la lueur crue du gaz, au milieu de la fumée, l'empereur, descendu sain et sauf de la voiture, criblé de projectiles, saluait. Son chapeau seul était troué d'un éclat de bombe. Rougon avait passé la journée tranquillement chez lui. Le matin, pourtant, il était un peu agité et avait à deux reprises témoigné l'envie de sortir. Mais, comme il achevait de dîner, Clorinde arriva. Alors, il s'oublia avec elle jusqu'au soir dans son cabinet. Elle venait pour le consulter sur une affaire compliquée et elle se montrait découragée. « Elle n'arrivait à rien, » disait-elle. Lui, alors, la consola, très touché de sa tristesse, montrant beaucoup d'espoir, donnant à entendre que tout allait changer. Il n'ignorait pas le dévouement et la propagande de ses amis. Il récompenserait jusqu'au plus humble d'entre eux. Quand elle le quitta, il l'embrassa au front. Puis, après son dîner, il éprouva un besoin irrésistible de marcher. Il sortit. Il prit le chemin le plus direct pour arriver sur les quais, étouffant, cherchant l'air vif de la rivière. Cette soirée d'hiver était très douce, avec un ciel nuageux et bas qui semblait peser sur la ville dans un silence noir. Au loin, le grondement des grandes voix se mourait. Il suivit les trottoirs déserts d'un pas égal, toujours devant lui, frôlant de son paletot la pierre du parapet. Des lumières à l'infini, dans l'enfoncement des ténèbres, pareilles à des étoiles marquant les bornes d'un ciel éteint, lui donnaient une sensation élargie, immense, de ces places et de ces rues dont il ne voyait plus les maisons. Et à mesure qu'il avançait, il trouvait Paris grandi, fait à sa taille, ayant assez d'air pour sa poitrine. L'eau, couleur d'encre, moirée d'écailles d'or vivante, avait une respiration grosse et douce de colosse endormi, qui accompagnait l'énormité de son rêve. Comme il arrivait en face du palais de justice, une horloge sonna 9h. Il eut un tressaillement et se tourna, prêta l'oreille. Il lui semblait entendre passer sur les toits une panique soudaine, des bruits lointains d'explosions, des cris d'épouvante. Paris, tout d'un coup, lui parut dans la stupeur de quelque grand crime. Et il se rappela alors de cet après-midi de juin, l'après-midi clair et triomphant du baptême, les cloches sonnant dans le soleil chaud, les quais emplis d'un écrasement de foule, toute cette gloire de l'Empire à son apogée, sous laquelle il s'était senti un instant écrasé, au point de jalouser l'empereur. À cette heure, c'était sa revanche, un ciel sans lune, la ville terrifiée et muette, les quais vides, traversés d'un frisson qui effarait les becs de gaz, avec quelque chose de louche embusqué au fond de la nuit. Lui, respirant à longs soupirs, aimait ce Paris coupe-gorge, dans l'ombre effrayante duquel il ramassait la toute-puissance. 10 jours plus tard, Rougon remplaça au ministère de l'Intérieur M. de Marcy, qui fut nommé président du corps législatif.